Jean-Baptiste Poquelin. Molière. Uma tragédia para quem sente e uma comédia para quem pensa. Um programa de Matilde Gomes. Dramaturgo, ator e poeta, considerado um dos maiores escritores da língua francesa e da literatura mundial, um dos mestres da comédia satírica, Molière usou as suas obras como ferramenta para criticar os costumes da sua época. Quatrocentos anos depois, as suas comédias, farsas, tragicomédias ou comédie-ballet continuam a ser uma grande referência do teatro francês e do teatro europeu.

5 ans et demi. Combien y a-t-il que vous êtes revenu ici ? Je revins en 56. De 56 à 72, il y a 16 ans, ce me semble. 5 ans en Hollande font 21. 7 ans en Angleterre font 28. 8 dans notre séjour à Rome font 36. Et 20 que vous aviez lorsque nous nous connûmes, cela fait justement 56. Si bien, Seigneur Sganarelle, que sur votre propre confession, vous êtes environ à votre 56 ou 57e année. Avance vos cheveux gris, ce n'est pas chose étrange que l'amour sous ses lois vous range. Pour le jeune ou pour le barbon, à tout âge l'amour est bon. Avant aux cheveux gris, ce n'est pas chose étrange que l'amour sous ses lois branche. Pour le jeune ou pour le barbon, à tout âge l'amour est bon. Mais si vous décidez de vous mettre en ménage, ne vous adressez point à ces jeunes beautés. Vous l'êtes, vous l'êtes égoutté, vous l'êtes égoutté, vous l'êtes égoutté, vous l'êtes égoutté. Et bien loin de les faire à votre badinage, vous l'avez bien souvent, vous l'avez bien souvent, que corps en partage. Vous l'êtes, vous l'êtes égoutté, vous l'êtes, vous l'êtes égoutté, vous l'êtes égoutté. Et bien loin faire à votre badinage, vous n'avez bien souvent que Seigneur Sganarelle. Seigneur docteur, j'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit, et je suis venu ici pour cela. Seigneur Sganarelle, changez s'il vous plaît cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement. Et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais « il me semble que je suis venu ». Il me semble, oui. Parbleu, il faut bien qu'il me le semble, puisque cela est... Ce n'est pas une conséquence. Et il peut vous sembler sans que la chose soit véritable. Comment ? Il n'est pas vrai que je suis venu ? Cela est incertain, et nous devons douter de tout. Quoi ? Je ne suis pas ici et vous ne me parlez pas. Il m'apparaît que vous êtes là et il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Que diable ! Vous vous moquez ! Me voilà et vous voilà bien nettement et il n'y a point de me semble à tout cela. Laissons ces subtilités, je vous prie, et parlons de mon affaire.

de modo que uma existência continuada era quase impossível para uma companhia jovem. A partir do final de 1645, durante 13 anos, procurou ganhar a vida percorrendo as províncias. É provável que ele tenha começado a usar um pseudónimo para poupar o pai da vergonha de ter um ator na família. Nesta digressão, formaram-se as habilidades que justificaram o seu sucesso posterior em Paris. Constituíram anos de treino de uma aprendizagem rigorosa como ator e gerente, ensinando-o a lidar com autores, colegas, público e autoridades. Apresentou-se pelas aldeias como comediante itinerante e depois com a companhia de Georges Charles Dufresne, antes de voltar a criar uma companhia própria. Datam desta época as suas duas primeiras peças conhecidas. Sabe-se que percorreram Nantes em 1648, Toulouse em 1649, em Lyon em 1652, em 1655 e em 1657, em Montpellier, em 1654 e 1655, e em Béziers, em 1656. Oh, sur cet endroit ton victoire. Votre fait est clair et net, et tout le droit conclut tout droit sur cet endroit. Si vous consultez nos auteurs, législateurs et glossateurs, Justinian, Papinian, Lupillan et Tribonian, Fernand le Buffle, Jean Imole, Paul Castre, Julien, Bartole, Jason, Alciat et Cujas, ce grand homme si capable, la Britannie est un cas, est un cas pendable, est un cas pendable, est un cas pendable. Tous les peuples policiers et bien sensés, les Français, Anglais, Hollandais, Danois, Suédois, Polonais, Portugais, Espagnols, Flamands, Italiens, Allemands, sur ce fait, tiennent une loi semblable. Et l'affaire est sans embarras. La polygamie est un cas, est un cas pendable, est un cas pendable, est un cas pendable, est un cas pendable, est un cas pendable, est un cas, est un cas pendable. Molière regressou a Paris em 1658 e representou diante do rei no Louvre, então alugado como teatro, na tragédia Nicomède, de Corneille, e na farsa Le Docteur Amoureux, com algum sucesso. A companhia foi agraciada com o título de Troupe de Monsieur, sendo Monsieur o título honorífico do irmão do rei, Philippe I, Duque de Orléans. Com a ajuda de Monsieur, a sua companhia foi autorizada a dividir o teatro do Grande Salão do Petit Bourbon com a companhia de Comédia dell'Arte de Tiberio Fiorillo, famoso pela sua personagem Scaramouche. As duas companhias apresentaram-se no teatro em noites diferentes. A estreia de Les Précieuses Ridicules, de Molière, ocorreu no Petit Bourbon, a 18 de novembro de 1659. O mecenato de Philippe durou 7 anos, até o próprio rei Luís XIV assumir a empresa de Molière, conhecida como Troupe du Roi. Esta ganhou alguma celebridade e prestígio, com convites para grandes casas e subsídios, geralmente não pagos, aos atores. Il est bien nécessaire vraiment de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Et dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avais-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père! Voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se put accommoder de leur personne. Mais qui trouvez-vous à redire? La belle galanterie que la leur. Quoi ? Débuter d'abord par le mariage. Et par où veux-tu donc qu'il débute ? Par le concubinage ? N'est-ce pas un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux aussi bien que moi ? Est-il rien de plus obligeant que cela ? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions ? Oh, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte. Et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Je n'ai que faire d'idées ni de chansons. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée. Et que se faire en honnête gens que de débuter par là. Mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait bientôt fini. La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane et Caronce, de plein pied, fut marié à Clélie. Que me vient conter celle-ci ? Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir, au temple ou à la promenade, ou dans quelque cérémonie publique, la personne dont il devient amoureux. Ou bien, être conduit fatalement chez elle par un parent ou un ami, et sortir de là, tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet aimé et cependant lui rend plusieurs visites où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est suivie d'un prompt courroux qui paraît à notre rougeur et qui pour un temps bannit l'amant de notre présence. Ensuite, il trouve moyen de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela, viennent les aventures. Les rivaux qui se jettent à la travers d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, le désespoir, les enlèvements et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières. Et ce sont des règles dont en bonne galanterie on ne saurait se dispenser. Mais en venir de but en blanc à l'union conjugal, ne faire l'amour qu'en faisant le contrat du mariage et prendre justement le roman par la queue. Encore un coup, mon père, il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé. Et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. Quel diable de jargon entends-je ici ? Voici bien du hostile. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Je m'en vais gager qu'ils n'ont jamais vu la carte de tendre et que billets doux, petits soins, billets galants et jolis verres sont des terres inconnues pour eux. Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela et qu'ils n'ont point ces terres qui donnent d'abord bonne opinion des gens? Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux et un habit qui souffre une indigence de ruban. Mon Dieu, quels amants sont cela ? Quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation ! On n'y dure point, on n'y tient pas. J'ai remarqué encore que leurs rabats ne sont pas de la bonne faiseuse et qu'il s'en faut plus d'un grand demi-pied que leur haut de chausse ne soit assez large. Je pense qu'elles sont folles toutes deux et je ne puis rien comprendre à ce baragouin. Qu'attends ? Et vous, Madelon ? Et de grâce, mon père, défaites-vous de ces noms étranges et nous appelez autrement. Comment ces noms étranges ? Ne sont-ce pas vos noms de baptême ? Mon Dieu, que vous êtes vulgaire. Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. A-t-on jamais parlé dans le beau style de Catos ni de Magdelon ? Et ne m'avouerez-vous pas que ce serait assez d'un de ces noms pour décrier le plus beau roman du monde ? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate pâtit furieusement à entendre prononcer ces mots-là. Et le nom de Polyxène que ma cousine a choisi et celui d'Aminte que je me suis donné ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve. Je n'entends pas que vous n'ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marraines. Et pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens. Et je veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour mari. Je me lasse de vous avoir sur les bras. Et la garde de deux filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je puis vous dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? souffrait que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman. N'en pressez point tant la conclusion. Il n'en faut point douter, elles sont achevées. Encore un coup, je n'entends rien à toutes ces balivernes. Je veux être maître absolu. Et pour trancher toutes sortes de discours, ou vous serez mariés toutes deux avant qu'il soit peu, ou ma foi, vous serez religieuse. J'en fais un bon serment. Thank you. Les précieuses ridicules atraiu a atenção para Molière pelas críticas positivas e negativas. Como não foi um sucesso popular, pediu então a Tibério Fiorillo que lhe ensinasse as técnicas da comédia dell'arte. A sua peça de 1660, Sganarelle ou Le Coucou Imaginaire, parece ser uma homenagem à comédia dell'arte e ao seu professor. O tema das relações conjugais dramatiza a posição pessimista de Molière sobre a falsidade inerente às relações humanas, a qual também é evidente nas suas obras posteriores. Descreve uma espécie de dança circular em que dois casais acreditam que cada um dos seus parceiros foi traído pelo outro, e é a primeira da série do ciúme de Molière, na qual se inclui Don Garci de Navarre, L'École des Maris e L'École des Femmes. Vous pour lui donner la main? Oui, je veux terminer la chose dans demain. Nous sommes ici seuls et l'on peut, ce me semble, sans crainte d'être ouïs et discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami je vous ouvre mon cœur? Votre dessein pour vous me fait trembler de peur, et de quelque façon que vous tourniez l'affaire, prendre femme est à vous un coup bien téméraire. Il est vrai, notre ami, peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous, et votre front, je crois, veut que du mariage, les cornes soient partout l'infaillible apanage. Ce sont coups du hasard dont on n'est point garant, et bien sot, ce me semble, est le soin qu'on en prend. Mais... quand je crains pour vous, c'est cette raillerie dont cent pauvres maris ont souffert la furie. Car enfin, vous savez qu'il n'est grand ni petit que de votre critique on ait vu garantie. Que vos plus grands plaisirs sont, partout où vous êtes, de faire sans éclat des intrigues secrètes. Fort bien. Est-il au monde une autre ville aussi où l'on ait des maris si patients qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont accommodées chez eux de toutes pièces? L'un amasse du bien dont sa femme fait part à ceux qui prennent soin de le faire cornard. L'autre, un peu plus heureux mais non pas moins infâme, voit faire tous les jours des présents à sa femme et d'aucun soin jaloux n'a l'esprit combattu parce qu'elle lui dit que c'est pour sa vertu. L'un fait beaucoup de bruit qui ne lui sert de guère. L'autre, en toute douceur, laisse aller les affaires. Et voyant arriver chez lui le damoiseau, prend fort honnêtement ses gants et son manteau. L'une, de son galant, à la droite femelle, fait fausse confidence à son époux fidèle, qui dort en sûreté sur un pareil appât, et le plaint, ce galant, des soins qu'il ne perd pas. L'autre, pour se purger de sa magnificence, dit qu'elle gagne au jeu l'argent qu'elle dépense. Et le mari Benet, sans songer à quel jeu, sur les gains qu'elle fait, rend des grâces à Dieu. Enfin, ce sont partout des sujets de satire. Et comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas de nos sots? Oui, mais qui rit d'autrui doit craindre qu'en revanche on rit aussi de lui. J'entends parler le monde et des gens se délassent à venir débiter des choses qui se passent. Mais, quoi que l'on divulgue aux endroits où je suis, jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits. J'y suis assez modeste. Et bien qu'aux occurrences, je puisse condamner certaines tolérances, que mon dessein ne soit de souffrir nullement ce que d'aucuns mari souffre paisiblement. Pourtant, je n'ai jamais affecté de le dire, car enfin, il faut craindre un revers de satire, et l'on ne doit jamais jurer sur de tels cas de ce qu'on pourra faire ou bien ne faire pas. Ainsi, quant à mon front, par un sort qui tout mène, il serait arrivé quelques disgrâces humaines. Après mon procédé, je suis presque certain qu'on se contentera de s'en venir sous main. Et peut-être qu'encore j'aurai cet avantage que quelques bonnes gens diront que c'est dommage. Mais de vous, cher compère, il en est autrement. Je vous le dis encore, vous risquez diablement. Comme sur les maris accusés de souffrance, de tout temps votre langue adobée d'importance. Qu'on vous a vu contre eux, un diable déchaîné, vous devez marcher droit pour n'être point berné. S'il faut que sur vous on ait la moindre prise, car qu'au carrefour on ne vous tympanise et... Mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien huppé, qui pourra m'attraper sur ce point? Je sais les tours rusées et les subtiles trames dont pour nous implanter savent user les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés et celle que j'épouse à toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous qu'une sotte? En un mot. Épouser une sotte et pour n'être point sot. Je crois en bon chrétien votre moitié fort sage, mais une femme habile est un mauvais présage. Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talent. Moi, je m'irais charger d'une spirituelle qui ne parlerait rien que cercle et que ruelle, qui de prose et de vers ferait de doux écrits et que visiterait marquise et beaux esprits, tandis que sous le nom de mari de madame, je serais comme un saint que pas un ne réclame. Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit haut et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime même, ne sache pas ce que c'est qu'une rime. Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon et qu'on vienne à lui dire à son tour qui mettons, je veux qu'elle réponde une tarte à la crème. En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est dans votre marotte? Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Outre qu'il est assez ennuyeux que je crois d'avoir toute sa vie une bête avec soi, pensez-vous le bien prendre et que sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. Et la stupide, aussi un peu manquée d'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser le faire. À ce bel argument, à ce discours profond, ce que Pantagruel à Panurge je réponds. Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte. Prêchez, patrocinez jusqu'à la Pentecôte. Vous serez ébahis quand vous serez au bout, que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Je ne vous dis plus mot. Chacun a sa méthode. En femme, comme en tout, je veux suivre ma mode. Je me vois riche assez pour pouvoir, que je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi et de qui la soumise et pleine dépendance n'est à me reprocher aucun bien, ni naissance. Un air doux et posé parmi d'autres enfants m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander, il me vint en pensée, et la bonne paysanne, apprenant mon désir, à sauter cette charge, eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente. Et grande, je l'ai vue à tel point innocente que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée et comme ma demeure à 100 sortes de gens est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir. Dans cette autre maison où nul ne me vient voir. Et pour ne point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Vous me direz pourquoi cette narration? C'est pour vous rendre instruit de ma précaution. Le résultat de tout est qu'un ami fidèle, ce soir, je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si de mon choix, on me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez, dans cette conférence, juger de sa personne et de son innocence. Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit ne peut... La vérité passe encore mon récit. Dans ses simplicités, à tout coup, je l'admire. Et parfois, elle en dit, dont je parle de rire. L'autre jour, pourrait-on se le persuader, elle était fort en peine et me vint demander avec une innocence à nul autre pareil si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arnolf. Bon, mais voulez-vous toujours appeler de ce nom? Ah, malgré que j'en ai, il me vient à la bouche et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Qui diable vous a fait aussi vous aviser à 42 ans de vous débaptiser? Né d'un vieux tronc pourri de votre métairie, vous faire dans le monde un nom de seigneurie? Outre que la maison par ce nom se connaît, la Souche plus qu'Arnolf à mes oreilles plaît. Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères. De la plupart des gens, c'est la démangeaison. Et sans vous embrasser dans la comparaison, je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre, qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, y fit tout alentour faire un fossé bourbeux et de Monsieur Delisle en prit le nom pompeux. Vous pourriez vous passer d'exemple de la sorte. Mais enfin, de la Souche, c'est le nom que je porte. J'y vois de la raison, j'y trouve des appâts, et m'appeler de l'autre et ne m'obligez pas. Cependant, la plupart ont peine à s'y soumettre, et je vois même encore des adresses de lettres. Je le souffre aisément de qui n'est pas instruit, mais vous. Soit, là-dessus, nous n'aurons point de bruit, et je prendrai le soin d'accoutumer ma bouche à ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche. Aïe, je frappe ici pour donner le bonjour et dire seulement que je suis de retour. Ma foi, je le tiens fou de toutes les manières. Il est un peu blessé sur certaines matières. Chose étrange de voir comme avec passion un chacun est chaussé de son opinion. Voilà. Approchez-vous, vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis. Et j'en sais des nouvelles. Le notaire. Laissons, c'est pour quelque autre jour. On veut à mon honneur jouer d'un mauvais tour. Et quel affront pour vous, mes enfants, pourrait être, si l'on avait compté l'honneur à votre maître, vous oseriez après paraître en un endroit, et chacun, vous voyant, vous montrerait du doigt. Donc, puisqu'autant que moi l'affaire vous regarde, il faut, de votre part, faire une telle garde que ce galant ne puisse en aucune façon... Vous nous avez tantôt montré notre leçon. Mais à ces beaux discours, gardez bien de vous rendre... Oh, vraiment? Nous savons comme il faut s'en défendre. Et s'il venait doucement, Alain, mon pauvre cœur, par un peu de secours, soulage ma langueur. Vous êtes un sot. Bon, j'en jette ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes un amigo. Bon, quel mal trouves-tu dans un dessin honnête et tout plein de vertus? Vous êtes un fripon. Formidable. Ma morissure, si tu ne prends pitié des peines que j'endure. Vous êtes abonné à l'imputant. Fort bien. Je ne suis pas homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert à en garder la mémoire. Cependant, par avance, Alain, voilà pour boire. Et voilà pour t'avoir, j'en jette un cotillon. Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Toute la courtoisie, enfin, dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. Adorons! Bon, ça! Bon, voilà! J'ai cassé! Est-ce de la façon que vous voulez l'entendre? Oui, fort bien. Or, l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point. Voulez-vous qu'à l'instant, nous recommencions? Pas suffit. Rentrez tous deux. Vous n'avez rien qu'à dire. Non, vous dis-je rentrez, puisque je le désire. Je vous laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Ayez bien l'œil à tout et secondez mes soins. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Akbar. Sveti Samir, ti respondir, Sveti Samir, ti respondir, ti respondir, Sveinan Samir, Kadir, Kadir, Sveinan Samir, Tazir, Tazir, Tazir, Tazir. Mr. Mufti, take with our sea, Mr. Mufti, take with our sea, take with our sea. Non intendir, Tazir, Tazir, non intendir, Tazir, Tazir, Tazir, Tazir. Dice, turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista, Iam, Suenlista, Iam, Coffisti, Iam, Posita, Morista, Fronista, Iam, Iam, Iam, Yok, yok, star pagana, yok, luterana, yok, puritana, yok, bramina, mufina, zurrina, yok, yok, yok, yok, yok, yok, mahometana, mahometana, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, como camara, como camara, giurdina, giurdina, giurdina, Giordina, Giordina, Giordina, Giordina, Giordina, Giordina, Giordina. Per Giordina, ti pregare se noi Giordina. Bambetta per Giordina, ti pregare se noi Giordina. Volevo un palladina, di Giordina, di Giordina, del turbante. Yeah. star, fa bora danzar, fa bora danzar, fa bora. Piliar schiabra, piliar schiabra, piliar schiabra, piliar schiabra, piliar schiabra. Chi sta nobile, non sta fa, chi sta nobile, non sta fa. Piliar schiabra, piliar schiabra, piliar fa, piliar fa, piliar fa. Em 1660, o Petit Bourbon foi demolido para dar lugar à expansão oriental do Louvre, mas a companhia de Molière foi autorizada a mudar-se para o teatro abandonado na ala leste do Palais Royal. L'École des Femmes 1662, zombava da educação limitada dada às filhas de famílias ricas e refletia o casamento Molière, realizado nesse mesmo ano com a atriz Armande Béjart, filha de Madeleine Béjart. A peça e o seu casamento suscitaram muitas críticas. A peça gerou o protesto denominado Querelle da École des Femmes. Ele respondeu com duas obras menos conhecidas, La Critique de l'École des Femmes, na qual imaginou os espectadores da sua obra anterior a assistirem. A peça trouxe das pessoas que criticaram L'École des Femmes, mostrando-as a jantar depois de assistirem à peça, incidindo sobre as críticas sobre a mesma, apresentando os argumentos dos críticos para depois os rejeitar. Esta foi a chamada Guerra Comique, em que o lado detrator ou rival de Molière foi ocupado por escritores como Daniel de Vizy, Edmé Boursault e Montefleury. la belle symphonie. Pour la belle symphonie. Pour la belle symphonie. Quelle est douce, quelle âme t'apprend. Mêlons-y la mélodie de Chan, des Chans et des Rossis de l'Arcadie. Uma oposição mais séria ganhou forma, concentrando-se nas ideias dramáticas de Molière e na sua vida pessoal. Surgiu um parti des dévots na alta sociedade francesa, que protestava contra o excessivo realismo e irreverência de Molière, a qual causava algum constrangimento. Estas pessoas acusaram-no de ter casado com a sua filha. O príncipe de Conti, outrora amigo de Molière, juntou-se a eles. Molière também tinha outros inimigos, entre eles os jansenistas e alguns autores mais convencionais. Todavia, o rei apoiou o autor, concedendo-lhe uma pensão e aceitando ser padrinho do seu primeiro filho. Boileau também o apoiou através de declarações que incluiu na sua Arte Poétique. Ce n'est plus le temps de Amézaz Molière con Jean-Baptiste Lully originó Le mariage forcé y La princesse de Lille, obras subtituladas como Comédie galante, mêlée de musique et d'entrée de ballet, escritas para divertissement reais no Palácio de Versailles. Tartuffe ou L'imposteur, igualmente apresentada em Versailles no ano de 1664, foi o maior escândalo da carreira artística de Molière. A sua representação da hipocrisia das classes dominantes foi considerada um ultraje e violentamente contestada. Também despertou a ira dos jansenistas e a peça foi proibida. Allons, que deux, je me délivre. Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Laissez, ma bru, laissez, ne venez pas plus loin. Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous, on s'acquitte. Mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, et que de me complaire, on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, j'y suis contrarié. On n'y respecte rien, chacun y parle haut. Et c'est tout justement la cour du roi Péto. Si. Vous êtes, mamie, une fille suivante un peu trop forte en gueule et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais... Vous êtes un sot en trois lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Je crois... Mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète et vous n'y touchez pas, tant vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, pire que l'eau qui dort. Et vous menez sous le chape un train que je hais fort. Mais ma mère... Ma bru, qu'il ne vous en déplaise, votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux. Mais leur défunte mère en usait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière, et cet état me blesse que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustements. Mais, madame, après tout... Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse, vous prêchez des maximes de vivre qui, par d'honnêtes gens, ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur, et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir, sans me mettre en courroux, de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi, je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séance d'un pouvoir tyrannique et que nous ne puissions à rien nous divertir, si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir? S'il le faut écouter et croire à ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes, car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire, et mon fils à l'aimer, vous devrez tous induire. Non, voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ses façons de faire, à tout coup, je m'emporte. J'en prévois une suite. Et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelque grand éclat. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise de voir qu'un inconnu séance s'impatronise. Qu'un gueux, qui quand il va n'avait pas de souliers, dont l'habit entier valait bien 6 deniers, en vienne jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le même. Et merci de ma vie, il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tous en fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Voyez la langue. À lui non plus qu'à Saint-Laurent, je ne me fierais, moi, que sur un bon garant. J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut-être, mais pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrousse, et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse. Nous allons régaler mon père, votre abord, d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses, et monsieur d'un beau prix reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, et son cœur trop discret voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence et croire que vous la taire et vous faire une offense. Oui. Je tiens que jamais de tous ces vains propos on ne doit d'un mari traverser le repos. Que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit d'amis si j'avais eu sur vous quelque crédit. Qu'est-ce ? J'apprends ici de terribles mystères. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère. Je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bien fait, chaque jour, il est par moi chargé. Je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme. Et non content encore de ses lâches essais, il m'ose menacer de mes propres bienfaits. Et veut à ma ruine user des avantages dont le viennent d'armer mes bontés, trop peu sages, me chasser de mes biens, où je les transférais. Et me réduire au point d'où je l'ai retiré. Le pauvre homme. Mon fils, je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Comment? Les gens de bien sont enviés toujours. Que voulez-vous donc dire avec votre discours, ma mère? Que chez vous on vit d'étranges sortes, et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Qu'a cette haine à faire avec ce qu'on vous dit? Je vous l'ai dit 100 fois quand vous étiez petit. La vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais n'ont jamais l'envie. Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui? On vous aura forgé sans saut compte de lui. Je vous ai dit déjà que j'ai vu tout moi-même. Des esprits médisant la malice est extrême. Vous me feriez damner, ma mère. Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre, et rien n'est ici-bas qui s'en puisse défendre. C'est tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu de mes propres yeux vu, ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4? Mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. J'enrage. Aux faux soupçons, la nature est sujette, et c'est souvent à mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma femme? Il est besoin pour accuser les gens d'avoir de justes causes, et vous deviez attendre à vous voir sûr des choses. Diantre, le moyen de m'en assurer mieux. Je devais donc, ma mère, attendre qu'à mes yeux, il... Vous me feriez dire quelque sottise. Enfin, d'un trop pur zèle, on voit son âme éprise. Et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit. Allez, je ne sais pas si vous n'étiez ma mère ce que je vous dirais tant je suis en colère. Juste au retour, monsieur, des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire, et l'on ne vous croit pas. Nous perdons des moments en bagatelle pure qu'il faudrait employer à prendre des mesures. Aux menaces du four, on doit ne dormir point. Quoi ? Son effronterie irait jusqu'à ce point ? Pour moi, je ne crois pas cette instance possible, et son ingratitude est ici trop visible. Ne vous y fiez pas. Il aura des ressorts pour donner contre vous raison à ses efforts. Et sur moins que cela, le poids d'une cabale embarrasse les gens dans un fâcheux dédale. Je vous le dis encore, armé de ce qu'il a, vous ne deviez jamais le pousser jusque-là. Il est vrai, mais qu'y faire ? À l'orgueil de ce traître, de mes ressentiments, je n'ai pas été maître. Je voudrais de bon cœur qu'on pût entre vous deux de quelconque de père accommoder les nœuds. Si j'avais su qu'en main il a de telles armes, je n'aurais pas donné matière à tant d'alarmes, et mais... Que veut cet homme ? Allait-on le savoir ? Je suis bien en état que l'on me vienne voir. Thank you. Molière sempre teve o cuidado de não atacar a instituição da monarquia. Conquistou a posição de ser um dos favoritos do soberano e desfrutou da sua proteção contra os ataques da corte. O monarca supostamente sugeriu a Molière que suspendesse as apresentações de Tartuffe e o autor rapidamente escreveu Don Juan ou Le Festin de Pierre para o substituir, inspirada numa obra de Tirso de Molina e traduzida numa prosa que ainda hoje parece moderna. O rei, demonstrando mais uma vez a sua proteção, tornou-se o novo patrocinador oficial da trupe de Molière. Com música de Lully, Molière apresentou L'amour médecin, sendo recebida muito mais calorosamente do que as antecessoras. Em 1666, a peça Le Misanthrope foi encenada, sendo hoje, por muitos, considerada a obra mais refinada de Molière, aquela com o mais elevado conteúdo moral. Porém, foi pouco apreciada na sua época. Este fracasso comercial obrigou Molière a escrever imediatamente Le Médecin Malgré Lui, uma sátira contra as ciências oficiais. Esta foi um sucesso, apesar de um tratado moral do Príncipe de Conti, criticando o teatro em geral e Molière em particular. Algumas das suas peças, Molière retratou os médicos da sua época como indivíduos pomposos, que falam latim, pobre, para impressionar os outros com falsa erudição e conhecem apenas clisters e sangrias como remédios ineficazes para as curas. A colaboração com Lully continuou com Georges Dandin ou Les Maris Confondus, uma comédia ballet pouco apreciada. O sucesso voltou com L'Avare em 1668. Quando adoeceu, a sua produção teatral teve uma quebra na quantidade. Le Sicilien, ou L'amour peintre, foi escrito para as festividades do castelo de Saint-Germain-en-Laye. Com Lully a compor a música, escreveu ainda Monsieur de Porcelignac, Les Amants Magnifiques e Le Bourgeois Gentilhomme. A colaboração terminou com a Tragédie et Ballet, Psyché, escrita juntamente com Pierre Corneille e Philippe Quinault. Thank you. Thank you. achever ce superbe palais que tout votre art s'épuise en cet ouvrage. Faites y voir un pompeux assemblage des plus rares beautés qui parurent jamais. Faites y voir un pompeux assemblage des plus rares beautés qui parurent jamais. Thank you. j'ai préparé ces lieux pour le plus aimable des dieux. Et puis j'ai préparé ces lieux pour le plus aimable des dieux. Que chacun pour lui s'intéresse, n'oublie rien des soins qu'il faut. Quand l'amour presse, on n'a jamais fait assez tôt. L'amour ne veut point qu'on diffère, l'amour ne veut point qu'on diffère. Travaillez, hâtez-vous, hâtez-vous. Frappez, remuez-vous. Que l'ardeur de lui plaire passe aux soins les plus doux. Remuez-vous, frappez, redoublez beaucoup. Frappez, frappez, redoublez beaucoup, redoublez beaucoup. De vous mettre en colère lorsque j'étais jaloux avec plus de raison, vous en faisiez vous une affaire. Vous l'êtes maintenant et vous trouverez bon qu'on ne s'en embarrasse guère. Que m'a-t-il un palais? Vous êtes encore trop heureuse. Si j'étais de nature un peu plus amoureuse, vous me verriez adorer ses attraits. La vengeance serait plus belle, mais je suis à ma forge occupée nuit et jour. Je n'ai pas le loisir de lui parler d'amour. Et je me borne à travailler pour elle. Je sais que par ses grands apprêts, c'est à mon fils que vous cherchez à plaire. C'est lui qui le premier trahit mes intérêts. Il saura que je suis sa mère. L'amour ici nous a menti exprès. Achevons ce qui nous reste à faire. Achevons ce qui nous reste à faire. Thank you. Em 1675, Madeleine Béjart faleceu, acrescentando mais um motivo para piorar a dor à doença que se agravava. Mesmo assim, ainda redigiu a bem-sucedida Les Fourberies de Scapin. Seguiram-se La Comtesse de Scarbagnas, uma comédia-ballet estreada em 1671, e Les Femmes Savantes, em 1672, esta última considerada outra das obras-primas de Molière. Nos 14 anos em Paris, escreveu sozinho 31 das 85 peças apresentadas pela sua companhia. Molière sofria de tuberculose pulmonar, possivelmente contraída quando foi preso por dívidas quando era jovem. As circunstâncias da sua morte, a 17 de fevereiro de 1673, tornou-se lendária. Desmaiou no palco com um ataque de tosse e hemorragia, enquanto desempenhava um papel na última peça que escreveu, Les Malades Imaginaires, com música de Marc-Antoine Charpentier. Molière insistiu em completar a sua interpretação, mas desmaiou novamente com uma hemorragia maior, antes de ser levado para casa, na Rue de Richelieu, na qual morreu poucas horas depois, sem receber as últimas orações cristãs dadas a um moribundo, porque dois padres se recusaram a visitá-lo e um terceiro chegou tarde demais. Em 1792, os seus restos mortais foram levados para o Museu dos Monumentos Franceses e, em 1817, transferidos para o cemitério Père Lachaise, em Paris, próximo dos de La Fontaine. La... Et un capodacle. Molière escreveu cerca de 30 comédias em verso e em prosa, algumas acompanhadas de balés e música, inúmeras vezes adaptadas para cinema e televisão. Das versões para grande ecrã, realçamos Tartuffe, realizado por Frédéric Wilhelm Murnau em 1926, e para o pequeno ecrã, Misanthropen, realizado por Ingmar Bergman em 1974. Duas ficções biográficas podem ser mencionadas. Molière, realizada por Ariane Mnouchkine em 1978 e realizada por Laurent Tirard em 2006. Este programa teve locução de Maria Fabrica e João Soares Santos. Realização de Matilde Gomes.